Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Au mois de février 1975, sortait sur les écrans français Phantom of the Paradise, huitième long métrage du réalisateur américain Brian De Palma. Un film qui ouvrait une période qui verra fleurir pour le meilleur et le moins bon des films musicaux rock, dits opéra rock. C'est avec ce film, inspiré par le roman de Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra, que le public français allait découvrir Brian De Palma, qui abordait là pour la première fois le genre fantastique. Ce fut à Paul Williams que fit appel De Palma pour composer la musique de ce film, mais aussi pour y tenir le rôle de Swann, personnage central de cette histoire faustienne. Chanteur, auteur, acteur à de multiples occasions, compositeur de tubes qui firent le tour du monde dans les années 60-70 et de nombreuses musiques de films, Paul Williams, avec Phantom of the Paradise, trouvait l'occasion de démontrer l'étendue de son talent en proposant en quelque sorte un voyage musical passant par tous les genres de la musique populaire des années 50 aux années 70. En l'an 2000, sur France Culture, Philippe Langlois proposait aux auditeurs de Carnet de Notes de revisiter la magistrale BO de Phantom of the Paradise, signée par Paul Williams pour De Palma 25 ans plus tôt. Carnet de Notes, Phantom of the Paradise, une émission diffusée la première fois le 14 juin 2000 sur France Culture. Philippe Langlois, bonjour. Bonjour. Alors, pas d'électroacoustique aujourd'hui, vous nous proposez plutôt une promenade musicale au cœur des années 70. Si, vous verrez tout de même un petit peu, le film dont nous allons parler aujourd'hui mélange pratiquement tous les styles de musique existants dans les années 70. La pop, la chanson, la musique classique, le rock, le rhythm and blues et même la musique électronique. Véritable métissage culturel, le film mélange également presque toutes les références se rapportant au cinéma fantastique. C'est également l'un des films fondateurs d'un nouveau genre, l'opéra rock. Je suppose qu'il ne vous en faut pas plus pour deviner le titre de ce film. Il s'agit bel et bien de Phantom of the Paradise, de Brian De Palma, un film réalisé en 1974 sur une musique de Paul Williams. Swann. He has no other name. His past is a mystery, but his work is already a legend. He wrote and produced his first gold record at 14. In the years since then, he has won so many others that he once tried to deposit them in Fort Knox. He brought the blues to Britain. He brought Liverpool to America. He brought folk and rock together. His band, the Juicy Fruits, single-handedly gave birth to the nostalgia wave of the 70s. Now he is looking for the new sound of the Spheres to inaugurate his own Xanadu, his own Disneyland. The paradise, the ultimate rock palace. This film is the story of that search, of that sound, of the man who made it, the girl who sang it, and the monster who stole it. Quand Brian De Palma réalise Phantom of the Paradise, son quatrième film en 1974, il est l'un des premiers à inaugurer un nouveau genre, l'opéra rock. La même année sort sur les écrans Tommy de Ken Russell avec la musique des Who. L'année suivante, en 1975, Jim Sharman réalise le célébrissime Rocky Horror Picture Show. Suivra Quadrophenia de Frank Rodham en 1979 et Pink Floyd The Wall d'Alan Parker en 82. L'intrigue de Phantom of the Paradise tourne autour de trois personnages principaux. Swan, qui souhaite monter un nouveau spectacle pour la réouverture de son théâtre, le Paradise. Winslow, qui se fait voler sa musique par le maître des lieux et qui revient hanter les couloirs de l'opéra, ainsi que Phoenix, une chanteuse, que Winslow tente de protéger par amour des maléfices de Swan. Phantom of the Paradise n'est pas seulement un opéra rock et se situe en fait à la croisée de plusieurs genres cinématographiques. La comédie, le film musical, le cinéma fantastique. Brian De Palma est d'ailleurs parvenu à mélanger un nombre incroyable de références et de citations dans son film. La plus importante est sans nul doute liée au titre, Phantom of the Paradise, qui bien entendu fait écho au roman de Gaston Leroux, tant de fois adapté au cinéma, Le fantôme de l'opéra. Le mythe de Faust, lié au personnage de Swan, qui a vendu son âme au diable pour ne plus vieillir, est également une des références capitales, tout comme la cantate que Winslow a composée, puisqu'elle s'intitule tout simplement Faust. D'autres citations jalonnent l'intrigue de Phantom of the Paradise, le portrait de Dorian Gray d'après le roman d'Oscar Wilde, qui, à la différence du film d'Albert Lewin, fait vieillir une bande vidéo à la place de Swan, mais aussi Frankenstein de Mary Shelley sous les traits de Biff, un chanteur de rock que Swan engage. La musique composée par Paul Williams, qui incarne le personnage de Swan, est également le reflet de toute une époque en mélangeant le disco, la musique pop, le rock, la musique classique, mais aussi le rhythm and blues et même la musique électronique. Écoutons pour commencer un extrait du Faust original, interprété au tout début du film par Winslow Leach au piano, lors d'une audition pour choisir la musique qui fera l'ouverture du Paradise. I was not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers. Out of place is a crying clown who could only frown, and the play went on for hours. And as I lived my role, I swore I'd sell my soul for one love who would stand by me. Give me back the gift of laughter, yeah. One love would stand by me. And after making love we dream, voilà, a bit of style. We dream a bunch of friends, dream each other smile. Dream it never ends. Écoutons à présent les transformations que Swan fait subir à cette chanson après avoir volé la musique de Winslow en la confiant à son groupe les Juicy Fruits. C'est pendant la répétition de son Faust que Winslow, devenu le fantôme du Paradise, fait exploser une bombe sur la scène pour interrompre la répétition. Carburetors, man! That's what life is all about. That's what life is all about. That's what life is all about. That's what life is all about. That's what it's all about. I was not myself last night. Lost the fight, my Woody barely running. By a dude I should have beat, and on the street like that is stunning. I finally lost control. I tore my tuck and roll off the street, where my baby sits up close to me. That's supposed to be what our life is all about. Up close to me, where my baby sits up close to me. That's comme dans l'œuvre de Gaston Leroux, le fantôme porte un masque pour cacher son horrible visage, sauf que dans la version de Brian De Palma, Winslow s'est fait écraser le visage par une presse à disque. Comble de l'horreur, cette presse contenait les matrices de sa propre musique, interprétée par les Juicy Fruits. L'accident ne lui permettra plus jamais de chanter. Swann lui propose alors de signer un contrat avec lui pour qu'il recompose sa cantate pour Phoenix. Écoutons la séance de travail où Winslow est au clavier et chante à l'aide d'un sonotone. Swann, à la table de mixage, tente de recomposer sa voix artificiellement. Les premiers mots qu'il prononcera ensuite seront Phoenix, la seule capable dorénavant de chanter sa cantate. Reaching out for more, I could feel the hunger growing. As I lost control, I swore I'd sell my soul. How's that? Try it. Phoenix. Try it again. Phoenix. And again. Phoenix. Well, at least you can talk with this. You can plug yourself into the console for singing. You really think she's that good? She's too good for you. En réalité, la situation est tout autre. Swann ne souhaite en aucun cas que Phoenix chante en soliste pour l'ouverture du Paradise. Elle ne correspond pas à l'esprit musical qu'il recherche. À l'insu de Winslow, donc, Swann auditionne d'autres artistes. C'est à ce moment qu'il rencontre Biff. Mais auparavant, plongeons-nous au cœur de cette audition pour entendre un petit panorama des genres musicaux qui coexistent à cette époque et que Brian De Palma incorpore à son film avec humour. Pretty, but no. All the devils, they disturb me, and the angels, they defeated them somehow. No. Come together in me now. There's something here like. La thématique des oiseaux est une donnée très importante dans Phantom of the Paradise. Le masque de la comédie dell'arte que porte le fantôme représente un oiseau. Tout comme le logo de la maison de disques appartenant à Swann, les disques Def, représentés par un corbeau mort. Swann signifie signe en anglais et chant du cygne en sanskrit. Phoenix, par son nom, est elle aussi reliée à cette thématique, tel l'oiseau qui renaît de ses cendres. Peut-être peut-on déceler à travers ce combat meurtrier qui oppose les hommes et les oiseaux une référence à peine voilée au maître du suspense, Alfred Hitchcock. Si le film Les oiseaux n'est pas explicitement cité, la scène de la douche constitue quant à elle un bel hommage au film Psychose. Voici le cadre de cette scène. Le soir de la première, Biff se prépare avant d'entrer en scène. Il se rend dans la douche en fredonnant son chant d'entrée. Le fantôme se glisse alors dans la salle de bain et découpe le rideau de douche avec un grand couteau. Il lui lance un ultime avertissement, c'est la mort qui le guette s'il s'avise de chanter sa cantate à la place de Phoenix. Dans cette scène, la musique crée un suspense artificiel en mêlant un synthétiseur et des violons joués dans le registre aigu. Light my lantern. temptations from the other side. I can see that you're the devil's bride. Do you realize that all of you donated something horrible you hated that was part of you? Well, I'm your nightmare coming true. I am your bride. Woo! Life at last. Satan lets you all the fun begin. Hearts are broken. Bad guy wins. Satan lets you all the fun from the Never sing my music again. Not here, not anywhere. Do you understand? Never again. My music is for Phoenix. Only she can sing it. Anyone else that tries dies. Défiant toute prudence, Biff décide tout de même de chanter ce soir-là. À l'issue de son premier morceau, maquillé en Frankenstein, imitant Jimi Hendrix avec sa guitare, il trouve la mort assassiné par le fantôme. Salutations from the other side. I can see that you're the devil's pride. Do you realize that all of you donated some hope? Or you hated that was part of you? I'm your nightmares coming true. I am your crime. At last, sit and listen while the fun begins. Hearts are broken and the bad guys win. Sit and listen, all the cutting up is easy and the ceiling for a queasy or a weaker heart. Oh, you had better stop. Oh, what is the time? From the evil that you created, getting horny and damn frustrated. Winslow assassine Swan sur scène en plein concert à l'aide du bec aiguisé d'un costume de corbeau appartenant à une des danseuses, provoquant du même coup sa propre mort. La scène est forte d'un manichéisme symbolique, c'est en effet le corbeau qui tue le cygne, l'oiseau de mauvais augure qui anéantit le bien, sauf que les rôles sont en fait inversés puisque Swan est une âme damnée. D'ailleurs, un personnage surgissant du public semble se délecter d'une telle violence. Qui pourrait être ce personnage vêtu de rouge si ce n'est le diable en personne? La scène se déroule sur les accents débridés du Faust de Winslow que nous avons déjà écouté. Le morceau est ici transposé sur le modèle du rhythm and blues. Vous pourrez d'ailleurs reconnaître la mélodie principale jouée à l'orgamon. Woo!